qui s'empara des biens d'un protestant, banni par suite des persécutions religieuses de la fin du XVIIe siècle. Alors le chat serait Madame de Maintenon. Ainsi s'achève Le maître chat ou le chat botté par Charles Perrault.